émission vous est présentée en partenariat avec l'École Saint-Fidèle. Bon matin tout le monde, mesdames et messieurs, on est de retour au 405 3e Avenue en direct de nos studios ici même. Et on est rempli, il y a vraiment beaucoup de monde ici ce matin. Pour cette émission de Saint-Fidèle au poste, je me présente Jean-Sébastien Grondin et j'anime beaucoup trop d'affaires ici et j'aime ça faire ça. Et j'ai en ma possession ce fameux chiffre magique à 10h07 ce matin. On est rendu à presque... On a dépassé la moitié de notre objectif de 42 000, oui. Donc, on est rendu avec un beau 23 000 $923, presque 24 000. Et je suis sûr que si on mettait un pot avec un pot dans le milieu, où on passerait le chapeau, la casquette à mon ami Pico, qui sera en performance dans quelques instants. Bien sûr, on ramasserait notre 24 000 d'ici les 5 prochaines minutes. Mais sur ce, on est avec l'équipe, une grosse équipe tout au long de l'année. Saint-Fidèle au poste diffuse de façon sporadique des émissions à caractère thématique et culturel. Et c'est une émission faite par les jeunes élèves de 4e à 6e année de l'école primaire Saint-Fidèle, d'où je travaille comme éducateur. Et ça me fait plaisir d'encadrer ce beau projet-là depuis 4 ans. Et là, on s'est donné depuis 3 ans une mission de venir faire notre tour au Radioton, puisque c'est la place, c'est l'endroit pour donner la parole aux jeunes. Alors, j'ai avec moi plusieurs élèves de 4 équipes, et c'est le corps de toute mon équipe au complet, parce que l'école Saint-Fidèle et le projet Saint-Fidèle au poste, on est la plus grosse équipe d'animateurs, de chroniqueurs, c'est-à-dire on est 23 élèves, plus moi, donc 24, de toute la programmation de CKRL. Et ça, je pense, ça mérite une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs. Des élèves qui s'impliquent, qui sont curieux d'en apprendre et curieux de vous faire apprendre et de vous faire connaître des choses dont... de partager leur vécu du quotidien, et surtout les trucs. Souvent, on est là et on dit « Ah, les jeunes d'aujourd'hui. » Ouais, mais est-ce que tu les écoutes, les jeunes d'aujourd'hui? Ils pourraient t'en apprendre beaucoup. Et surtout, ils sont fascinés par une tonne de sujets. Et je suis présentement, pour commencer, avec Manishan et Marianne. Manishan et Marianne, qui, eux, sont deux filles de 4e année, n'est-ce pas? Alors, vous autres, vous avez une expérience de camp d'été, parce que là, on est dans la période d'inscription de camp d'été. Alors, l'été dernier, t'es allé dans quel camp, toi, Manishan? Je suis allée au Patro Rocamadour. Entre autres choses. Puis toi, Marianne, t'es allée où? Patro Rocamadour aussi. Donc, le Patro Rocamadour, qu'est-ce que c'est? C'est quand même une institution qui est implantée dans Limoilou depuis, je pense, presque une centaine d'années. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'ils offrent comme service au niveau des parcs d'été? Au Patro Rocamadour, on offre des camps de jour. Aussi, en dehors des camps de jour, il y a aussi, on offre la semaine, la fin de semaine. Puis, en rapport avec les activités du camp de jour en été, il y a des jeux variés, des sports. Il y a aussi une piscine au Patro Rocamadour. Oui, une piscine qui a été rénovée récemment. On a déjà été avec le service de garde de notre école. Puis c'est vraiment une belle piscine. Là. L'eau est belle, puis c'est propre. On peut se baigner. Il y a aussi la pastorale. La pastorale, c'est pour en apprendre davantage sur les dieux puis les religions. Les différentes cultures religieuses, ouais, c'est ouais. Ça. Il y a des bricolages, des journées spéciales. À la fin, souvent, il y a des olympiades ou pas trop. J'ai entendu dire, Manishan, qu'il y avait quand même des activités qui se faisaient la fin de semaine. Ouais. Oui. La fin de semaine... Il y a le samedi jeunesse. Puis qu'est-ce que vous faites dans les samedis jeunesse? Au samedi jeunesse, c'est un peu comme le camp de jour, c'est juste que tu es tout le temps avec le même moniteur, puis tu fais la même chose qu'au camp de jour. Tu fais des jeux, puis des fois tu vas à la piscine, des fois tu fais de la pastorale aussi, c'est la même chose. Et je pense qu'il y a aussi un autre jour, un autre soir dans la semaine où tu peux faire des activités variées. Oui, il y a tous les jours de la semaine, tu peux faire des activités. Mais il y a une activité qu'on fait après l'école que beaucoup de monde se sont inscrits, c'est les vendredis sportifs. Tu pratiques un sport pendant un mois, puis après tu vas faire un championnat. Ou des compétitions. Des compétitions. OK. Toi, t'es-tu une habituée de ces vendredis sportifs? Je suis allée une fois. C'est vraiment amusant. OK. Puis il y a aussi, contrairement aux vendredis sportifs, les vendredis qu'on appelle plus actifs. Donc, c'est comme un peu des activités plus normales. Oui. Donc, tu vas là, tu vas passer ton vendredi avec des amis et tout ça. Donc, au niveau du camp de jour, quelles sortes d'activités du camp de jour là, en été, quelles sortes d'activités variées qu'ils nous présentent? Il y a un camp sportif et culturel. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des arts martiaux, des arts plastiques, des bandes dessinées, des bijoux, des camps de pêche, du cirque, de la cuisine, danse et plus d'activités encore. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et ça commence. Est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que ça débute, ça, le camp d'été du Patro Rocamado? Ça débute le 25 juin, puis ça se termine le 9 août 2018. Donc, pour presque un gros mois et demi d'activités super intéressantes. Oui. Et il y en a un autre patro qui est quand même à proximité, situé plutôt dans le quartier Saint-Sauveur, lui, et il s'appelle le Patro Laval. Marianne, j'aimerais que tu nous en parles rapidement. Au secteur enfant, chaque jeune est important et chacun d'entre eux se sentira qu'il a sa place. Les jeunes sont invités à accompagner de leur moniteur ou de leur monitrice à créer un milieu de vie de leur image. Cette vie de groupe et cette complicité se créent par l'animation d'activités originales et variées. Quelles sortes d'activités qu'ils proposent eux autres, contrairement au Patro Rocamado, là? C'est pas mal la même chose, beaucoup de trucs, oui, du sport. Il y a de la danse créative, du basketball, NBA, du football printemps, des cours de natation, du soccer, des piscines bien libres, des ateliers, des Ultimas Frisbee. Ultimate Frisbee, ouais. Du football, saut de crapaud, famille et enfants 0 à 5 ans. Donc, on pourrait y aller là avec, si on a des enfants plus jeunes de la garderie, on pourrait aller là, au Patro Laval, donc l'atelier qui s'appelle Saut de crapaud. Je te remercie beaucoup, Marianne et Manichan, nous avoir parlé du Patro Rocamado. Et cet été, est-ce que vous du Patro Laval, lequel vous choisiriez, vous? Rocamado ou Laval, on ne sait pas? Rocamado. Ouais? Moi, je ne sais pas trop, mais le Patro Rocamado, peut-être. Donc, vous êtes vendu au Patro Rocamado, bonne chose. Et surtout, je vous souhaite un bon été. Merci beaucoup de votre participation à cette émission-là. Alors, mesdames et messieurs, on s'en va en prestation musicale avec nul autre Pascal Picot-Larouche. Un artiste de Jonquière, naturalisé Limoulois depuis une vingtaine d'années, ou non, presque une douzaine. Une douzaine d'années, n'est-ce pas? Ça fait... je suis arrivé en 99. OK. Il y a 18aine d'années. 18aine d'années. Alors, il est accompagné de lui aussi, de ses enfants. On parle ici de Flavie et de Théo. Alors, voici de La Rouge Family. Bon, on a décidé de vous faire une chanson. C'est pas une de mes chansons qu'on vous fait parce que c'est des chansons qu'on fait en famille aujourd'hui. Donc, on vous fait une chanson du groupe La Bande à Magou. Qui pogne pas mal avec les enfants. Fait que là, les paroles sont assez faciles à apprendre. Puis si ça vous tente de chanter avec nous autres, c'est quand même assez facile à apprendre. OK? Êtes-vous prêts, les cocos? Oui. Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent « Pipi, caca, fais-moi ça dans le pot. » Quand j'étais petit, mon père disait souvent « touche pas, ta bisoune, mon petit gars. » Yeah! Maman, caca, fais-moi ça d'un petit pot. L'homme des bidim, papa des kundim. Patouche, patouche, taban, un petit garçon blanc. Ils sont lui sept petits goudim. Cacanéa n'est pas fait pour manger. Ils sont lui sept petits goudim. Pas bon pour le petit mouet. C'est ça, maman des kundim. Hey! C'est ça, papa des kundim. C'est ça, maman des kundim. C'est ça, papa des kundim. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Coudon, je pensais pas que tu avais commencé à jammer en famille, de même dans la maison. C'est quand même fort intéressant. Pascal Picot-Larouche, qui en a pour tous les répertoires. Et j'ai deux garçons ici qui se sont intéressés à ta carrière et ton parcours. Ils vont poser des questions. J'ai en ma compagnie Nathan Helms et Félix Lévesque qui vont y aller d'un petit questionnaire sur un... Oui, pour qui? T'es un peu éponné dans la chaîne, bon. Vous voyez, si vous voulez voir toutes les nos bloopers, venez au 405 3e Avenue, mesdames et messieurs. Alors, Pascal Picot-Larouche, moi, j'ai une première question juste pour toi, puis après ça, je laisse aller les gars. Picot, ça vient de où, ça, ce fameux surnom dont je te connais juste de ce surnom-là? Là? Picot, ça vient du cégep, puis il y a une fille qui m'a appelé Picot. Ouais, c'est intelligent comme réponse. Hein? On s'attendait. Des réponses ouvertes, moi. On pensait que ça allait être une grande histoire, puis que mais non, mais là, la fille avait commencé à m'appeler Picot, puis elle était cute à part ça, ça fait que ça me dérangeait pas ben. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à faire des spectacles, j'écrivais sur la pancarte Pascal Larouche en spectacle, puis là, à un moment donné, le monde était dans la salle, criait « Picot! Picot! » Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire de l'impro, j'ai mis Picot en arrière de mon chandail, parce que c'était comme mon surnom, là, tout le monde, il n'y a plus personne qui m'appelait Picot, puis ça fait plusieurs années de ça, puis aujourd'hui, quand je me présente tout le temps Pascal, je fais le test, à toutes les fois, j'arrive dans un party, je salue, moi c'est Pascal, à un moment donné, il y a une personne, j'ai déjà vu me tontouer, « Hey, Picot, apporte-moi du sel. » Fait que là, trop tard, tout le monde m'appelle Picot. C'est terminé, là, toute la soirée. Fait que, à un moment donné, j'ai bien beau lutter contre ça, ça a l'air que, aux grandes dames de ma mère, hein, qui s'était tellement forcée pour me trouver un beau nom, tout le monde m'appelle Picot tout le temps. Ça doit bien m'aller à la face, j'imagine. Alors, bonjour, M. Picot-Larouche. Hey, salut, ça va bien? C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Nathan. Enchanté, Nathan. Alors, entrons dans le vif du sujet et parlons de votre web-série Ta Page, mais plutôt ce qui est accessible à tout le monde. Yes, ben Ta Page, c'est une web-série. J'ai décidé d'aller chez les gens, un peu comme vous faites, vous autres, à CKRL. J'ai décidé d'aller chez les gens, puis j'ai décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles je présente chacune de mes chansons qui sont disponibles sur YouTube puis sur ma page Facebook si ça vous tente d'aller voir ça. Et puis tapage, dans le fond, c'est que je fais du tapage de pied. Et j'ai décidé de faire du tapage de pied parce que je trouve le tapage de pied, c'est un instrument qui est typiquement québécois. Hein? Avez-vous déjà tapé du pied, vous autres? Ouais, quelquefois. Un petit peu. C'est typiquement trad québécois, tu sais. Va-t'en en Europe, là, va-t'en en France, là. Les violonneux, ils capotent. Là. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Il y a juste les Québécois qui tapent du pied. Sûr, t'as du tapage de pied, mettons, dans le flamenco, dans d'autres cultures. Mais à la façon qu'on le fait, nous autres, les Québécois, il y a juste nous autres qui font ça. C'est unique au monde, puis c'est nous autres, ça fait partie de notre culture, de notre identité, puis comment nos grands-pères tripaient, OK, dans le temps. Mais il y a juste ça dans le traditionnel québécois. Tu sais, mettons, il y a du violon dans le traditionnel québécois. Vous connaissez ça, le violon? Bon. Ben, il y en a dans le folk du violon, il y en a dans le classique du violon, il y en a dans le jazz. Tu sais, le violon, on l'a sorti de son contexte, là. Puis, même chose, la mandoline, le banjo, il y en a dans tous les styles de musique. Mais le tapage de pied, lui, il est resté dans le traditionnel québécois. Fait que moi, j'ai décidé de faire une série dans laquelle je fais du rock, je fais du blues, je fais surtout de la chanson à texte, comme on faisait tantôt, même si à texte. Hein. on pourrait... c'était un moyen. Mais on fait ça dans des chansons à texte. Puis là, j'ai décidé d'intégrer du tapage de pied. Faites filmer ça par un gars qui s'appelle Vincent Boulet, qui a tout filmé le truc. Puis on s'est mis dans des... on a mis des décors qui ont un peu rapport avec la trad. Puis on a mis ça... on s'est disponible sur YouTube. Puis, vous avez fait plusieurs albums avec certains groupes dans La Tourelle. Pouvez-vous nous décrire votre expérience avec d'autres groupes? La Tourelle, ça a été ça une dizaine d'années de trip. On a fait tout le tour du Québec plusieurs fois. On a joué partout dans toutes sortes de contextes. On était Sega. Et puis, ça a été une extraordinaire aventure. On faisait dans la musique tzigane, klezmer. Là-dedans, je jouais du banjo, quatre cordes, puis du banjo quatre cordes puis de la guitare manouche. Puis ça a été vraiment une école musicale, parce que moi je suis autodidacte, hein. J'ai jamais pris un cours de guitare de ma vie. J'ai tout appris par moi-même, mais eux autres, comme c'était tous des gens de conservatoire, c'était tous des gens qui avaient beaucoup d'expérience, j'ai littéralement appris mon métier avec ces gens-là. Après ça, j'ai eu un groupe qui s'appelait le Roche Band, puis là on a fait des chansons plus rock, là on faisait mes compositions, mais en rock, c'est pas mal mes albums. J'ai enregistré aussi avec d'autres gens, là, mais j'étais comme musicien invité, mettons. Alors, vous jouez de la guitare, mais jouez-vous d'autres instruments? Beaucoup de banjo. Banjo 5 cordes et banjo 4 cordes, parce que je considère ces deux instruments différents. On tombera pas là-dedans, mais... on tombera pas là-dedans, mais ça, c'est pas les mêmes accords, c'est pas les mêmes notes, ça se joue pas avec la même technique, c'est juste que... c'est deux banjos. Fait que ça, et puis de l'harmonica, beaucoup aussi. Hier, on était en spectacle au Bal du Lézard, puis là, j'étais dans un groupe de country, puis je faisais de l'harmonica, puis du banjo 5 cordes, puis... Puis, quel est votre coup de cœur musical? Mon coup de cœur musical, ben là, c'est sûr, on vient d'entendre Elisa Pisaac. Là, je pense que je vais m'acheter ça. Dernier album que j'ai acheté, c'était Kid Kuna, son dernier de Kid Kuna. J'aime beaucoup ça, puis en plus, il est très, très, très inspirant. Puis moi, mon chanteur préféré, c'est mon oncle Serge. Ça, c'est mon chanteur préféré. Tu sais, on a le droit d'avoir des chanteurs préférés qui sont vivants encore, hein? C'est moi! Tu sais... personne dit ça, c'est mon chanteur préféré, mais moi, c'est mon chanteur préféré. Je trouve que c'est un gars qui a une carrière. Moi, sa carrière, la façon qu'il pilote ça, parce que, tu sais, j'aime pas juste les chansons, j'aime aussi toute la façon qu'il pilote sa carrière en étant un peu hors marge. Puis, tu sais, je pense Plume La Traverse a fait la même chose. Il a jamais été nominé à la disque, il a jamais gagné de prix, il a jamais été dans le gros mainstream, il a jamais passé aux radios. Puis là, c'est genre 30-40 ans plus tard, on se vire de bord. Hey, il y a 30 albums, ce gars-là. Il a changé la culture québécoise. Il a toujours été un leader dans son style. Mais je pense que mon oncle Serge, dans 30-40 ans, on va dire, hey, ce gars-là, il a toute qu'une carrière pareil. Et moi, j'ai une question pour Théo Larouche, qui est un ancien élève de l'école Saint-Fidèle, a fait sa maternelle à notre école. Et Théo, toi, je sais que ça fait longtemps que tu joues de la musique avec ton père. Est-ce que tu te profiles vers une carrière musicale, toi aussi? Je sais pas. Tu sais pas? Mais là, là c'est ton premier spectacle devant le public, donc on applaudit Théo Larouche, mesdames et messieurs. Tu te spécialises vers les percussions ou tu joues d'un autre instrument, toi? Plus vers les percussions, parce qu'à l'école, je joue de la batterie. OK, déjà? Mm-hmm. Puis, il me semble que tu avais un ukulélé à un moment donné, la guitare, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse encore? Mm-hmm. Donc, je te remercie beaucoup, Théo. Ça fait fin, première demi-heure, parce qu'on va y aller en petit bloc d'encan. On va vous présenter un paquet de lots d'encan qui sont disponibles ici même. Et vous pouvez aller toujours le voir sur le www.ckrl.qc.ca en ce beau week-end du Radioton. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Saint-Fidèle au poste avec les élèves de l'école Saint-Fidèle de Limoilou. On est de retour après la pause avec Pascal Larouche en prestation. Et on termine l'entrevue avec Nathan et Félix. Alors, mesdames et messieurs, restez des nôtres. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, Audiolite est le spécialiste incontesté de la haute fidélité à Québec depuis 50 ans déjà. Des conseillers compétents et passionnés sauront faire de votre visite une expérience d'achat hors du commun. Service après-vente exemplaire et prix compétitif. Audiolite.qc.ca. En direct du 405 3e Avenue, je vous invite personnellement, mon nom personnel Jean-Sébastien Grondin, et au nom de ce magnifique public composé d'enfants, de parents, des élèves de l'école Saint-Fidèle, Venez nous rejoindre ici même, au 405 3e Avenue, afin d'encourager la radio communautaire, la première radio communautaire francophone au monde. Hein? Depuis 45 ans, 45 belles années. Et depuis quelques années, justement, on a donné la parole aux enfants de l'école Saint-Fidèle avec cette émission qui s'appelle Saint-Fidèle au poste. Et là, c'est une spéciale du Radioton. Et on est encore en prestation aussi avec mon ami Pascal Picot-Larouche et son Larouche Family. Alors, on y va avec une chanson de René Martel, Rien de moins. Vous écoutez le Radioton de CKRL en direct. J'ai marché sur les trottoirs longtemps, du soir au matin en chantant. Je connais toutes les craques du ciment sale de la rue Saint-Laurent. Dans ce jeu des bons et des méchants, tous les passants perdus ou perdants sont balayés par le vent. La vache en j'en ai mangé en attendant mon projet, mais je vais m'en aller où les lumières me feront briller comme une cagole dorée. À cheval, au fiel ou dans ce rendez-vous fabrisé comme une cagole. C'est pas gai d'être prise dans le train qui prend le plus long chemin. Et je me demande ce que je pourrais bien faire avec un transfert et un dernier dollar dans ma guépière. La vache en mâché, j'en ai mangé en attendant mon apogée. M'en aller où les lumières me feront briller comme une tangue dorée. À cheval ou bien ou dans un rendez-vous dénoncé comme une tangue dorée. Inondée de fleurs, de fruits, de milliers d'étrangers. Théo Larouche, Flavie Larouche. Et Pascal Picot Larouche, mesdames et messieurs, quelle bonne idée d'amener ces enfants ici, nous faire une belle prestation comme ce... Mais comme c'est ce... sûr, eux autres, c'est Saint-Fidèle rentre au poste. pas Saint-Fidèle, Saint-Albert rentre au poste. Ouais, c'est ça. Une autre belle école de notre quartier, Saint-Fidèle. Alors, Nathan et Félix, vous avez encore quelques questions, questions de démystifier le personnage et aussi la véritable personnalité de Pascal Larouche. Alors, quel genre d'enfance avez-vous eu? Ben moi là, vous le croirez jamais, j'étais gêné, maladif là. Quand mes amis avaient, quand il y avait des gens chez nous, je regardais à terre, je parlais jamais. J'ai été deux ans d'un cadet de terre, ok, corps de cadet 13-32 d'Alma. On était 25-30 dans le corps de cadet. Après deux ans, il n'y a pas un chat qui connaissait mon nom. J'ai lâché ça. J'ai lâché ça, j'ai dit crime, c'est pas là que... Et puis là, quand j'ai déménagé de Alma à Jonquière, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais repartir cette histoire-là d'être gêné. Je le dis de même, parce qu'il y a des amis, des fois, qui peuvent être gênés à l'école, puis tu sais, c'est difficile pour un enfant gêné, parce que, tu sais, on aimerait ça, là, être dans la gang des le fun, se faire inviter dans le sport. Moi, j'étais tout le temps le dernier dans le sport. Tu sais, quand il restait, on choisissait les membres dans l'équipe, là. Puis là, il restait trois filles qu'on savait qui participaient de toute façon pas, puis qui allaient passer tout le long du cours d'éducation physique sur le banc. Ben moi, j'étais choisi après les trois filles. Tu sais, puis j'étais absolument gêné, puis j'étais tout petit. Puis à un moment donné, quand je déménageais à Jonquière, je dis c'est pas vrai que je vais repartir ça. Là, j'ai décidé de faire des blagues. Puis ça fonctionnait bien. Puis moi, je dessinais beaucoup. Hein. Fait que quand je dessinais, c'était le seul moment dans ma classe que les gens venaient autour de mon bureau puis disaient « Hey, wow, tu dessines bien. Puis je peux-tu avoir ton dessin? Tu peux-tu me dessiner ça? » Je me suis toujours valorisé un petit peu par l'art. Après, le dessin, pour moi, c'était facile. La musique, c'était pas si facile. Fait qu'on dirait que je suis pas allé dans le dessin. Je suis allé dans la musique. Puis là, c'est là. C'est pour ça aussi Pico que ça a bien fait. C'est comme si j'avais créé un personnage, un alter ego. Puis tu sais, c'était ce que quand j'étais jeune, j'étais dans ma chambre, puis je m'imaginais être sur scène, parler, que les gens m'écoutent, que le monde m'aime. Je me suis un peu valorisé par les arts comme ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui étaient gênés parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été gênés. Peut-être qu'on a manqué d'amour à quelque part. Puis là, c'est à l'âge adulte, on va tout le temps rattraper ça. Parce que je parlais pas beaucoup, pasteur, j'ai une méchante grand gueule. Puis, à part musicien, comment occupez-vous votre temps? Ben moi, je suis enseignant. Je suis professeur au secondaire. Je travaille au Centre Louis-Joliette, qui est une école secondaire pour adultes ici à Limoilou, dans le coin du parc Cartier-Brébeuf. Et puis, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps parce que j'aime beaucoup ça. J'ai fait beaucoup de généalogie dernièrement pour tout savoir c'est qui mes ancêtres, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire. Je raconte beaucoup de contes aussi. Je fais du conte traditionnel. Je fais du conte aussi. Tu sais, encore une fois, une prof d'histoire, conteur, tu sais, une vraie grand gueule. Puis je fais beaucoup d'histoire, fait que j'ai fait mon histoire, beaucoup de généalogie dernièrement. Et puis là, ces temps-ci, je prends des cours d'inou pour apprendre une nouvelle langue que je trouve tellement, tellement belle. Fait que c'est comme ça que j'écoute mon temps ces temps-ci. Puis, pour nos auditeurs, qu'est-ce que le slam? Le slam, c'est une sorte de poésie. J'en ai fait pendant longtemps. Là, j'en fais moins ces temps-ci là, parce que j'ai fait dans d'autres trips, tout simplement. Là. Mais j'ai fait beaucoup de slam. Et moi, comme poète, parce que mes chansons, là, j'ai fait des chansons, on a fait des chansons qu'on faisait en famille, mais on fait mes propres compositions. Et comme poète, comme chanteur, ben, ça m'a amené à faire de la poésie. Donc, le slam, c'est une compétition. Si vous voulez y aller, ce sont les mardis soirs, premier ou deuxième mardi ou troisième mardi du mois, je sais pas. Je m'en souviens plus, là, mais c'est les mardis soirs à la Maison de la littérature. Et puis, c'est une compétition dans laquelle les poètes s'affrontent. Tu sais, poésie et compétition, ça va pas ensemble. Mais dans le slam, on a mis deux choses qui vont pas ensemble. Et là, ça nous pousse à vouloir nous dépasser. Les juges, ce sont des gens qui sont de la salle. Hein? Fait que c'est pas des juges professionnels. C'est des gens qui sont de la salle, bien souvent des gens qui connaissent même pas la poésie. Donc, c'est au slameur de séduire des gens qui connaissent pas nécessairement la poésie. Donc, ça devient une poésie qui est adaptée à la scène. Donc, c'est une poésie sonore. On n'a pas le droit de taper des mains. On n'a pas le droit d'être costumé. Et donc, ça devient une poésie. On a seulement le droit à la bouche. Donc, si tu veux faire du beat, c'est des bruits de bouche. Tu n'as pas le droit à d'autre chose. C'est juste la bouche, le son. Puis c'est animé par... ici, à Québec, c'est animé par André Marceau. Mais il y a des slam-messes partout. À Montréal, c'est Ivy. Il y a des slam-messes un petit peu partout. Il y a des ligues partout au Québec. Puis une fois par année, ils se réunissent à Montréal. Fait le grand slam. Et là, c'est les gagnants de toutes les ligues. Puis là, c'est une grande, grande compétition à Montréal. Puis il y a même une compétition mondiale. Alors, je te remercie beaucoup, Pascal, de nous avoir parlé de ça. Merci beaucoup, Nathan et Félix, d'avoir démystifié un peu le personnage de Pascal Picot-Larouche, le personnage et la personne en arrière de ça. Pascal, j'ai une question pour toi. As-tu été le temps d'aller à la cabane à sucre ces temps-ci? J'en ai fait une chez nous. Wow! Donc, le gars, c'est un vrai « do it yourself ». Un autodidacte. Et j'ai avec moi ici Samuel pour me parler de l'eau d'érable et du sirop d'érable dans la culture populaire et aussi dans la culture au Québec. Ça vient de où, ça, finalement, ce fameux sirop d'érable-là? On sait que ça vient de l'arbre, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'on le cultive ici au Québec. Comment ça a commencé? Ça a plus commencé par... Bien, il y a plusieurs légendes, mais j'en ai choisi deux sur plusieurs. Dans le fond, il y en a une que c'est... Certains racontent que les chiens se seraient précipités pour lécher une branche cassée d'où coulait la sève des érables et c'est ainsi que les Amérindiens eurent l'idée d'y goûter. Ça, on sait pas non plus si c'est vrai. Mais c'est très plausible. C'est exact. Très plausible. Tu sais, on t'envoie les chiens d'un coup. Pourquoi ils se mettent à lécher ce bout de bois-là? Demande pourquoi. Exactement. Donc, et l'autre légende, l'autre qui tire un peu ses origines de l'eau d'érable. Dans le fond, c'est une autre version explique qu'un écureuil grimpa le long d'un tronc d'arbre et mordit une branche et commença à boire la sève qui coulait un Amérindien voyait ce que l'écureuil fit, se demandait pourquoi celui-ci n'allait pas boire la source d'eau fraîche qu'il était très proche, alors il décida de l'imiter en faisant une fente avec son couteau. Quelle surprise il eut jusqu'alors, sa tribu a trouvé du sucre dans les fruits sauvages et voilà qu'il découvre un arbre qui pleure du sucre en larmes de cristal. De plus, il venait de découvrir comment guérir le scorbut dont souffrait souvent sa tribu au printemps. Ça, on n'est pas tant sûr qu'il a pris son couteau. Toi, tu penses qu'il aurait pris quoi au lieu de son couteau? Peut-être d'après plus... Vas-y. D'après moi, il a genre pris une branche puis ça a ouvert. Ou bien non, peut-être une pointe de flèche. Aussi. Ouais, ça serait peut-être plus plausible, hein? C'est ça. Alors, pour terminer sur l'eau d'érable, as-tu des dernières choses à nous raconter? Dans le fond... Est-ce que vous saviez que les Amérindiens au 16e siècle utilisaient l'eau d'érable comme médicament et se l'étendaient sur le corps pour se putréfier? Purifier? Ouais. Tu vois, dans... On voit la différence. Oui, dans la langue française, une lettre peut faire toute la différence, hein? Ouais. Puis Samuel, est-ce que c'est tout? Aussi, l'origine de la découverte de l'eau d'érable comporte un bon nombre de légendes et d'histoires farfelues. Certains racontent qu'un Amérindien aurait découvert la sève d'érable et apercevait ses chiens se chamailler autour d'une branche pour le lécher la sève qui y coulait. Ce comportement aurait piqué sa curiosité et lui donna l'idée d'y goûter. D'autres, par contre, émettent l'hypothèse qu'un écureuil mordait une branche pour en boire le jus en serait l'animal responsable. Le jus de l'érable sauvera plus tard plusieurs milliers de vies en venant à bout du terrible scorbut qui décimait les populations au printemps. Merci donc à ce meilleur ami de l'homme et à cet amateur de noisettes de nous avoir fait découvrir l'érable. Donc l'écureuil et le chien et la fameuse eau d'érable sont venus à bout de guérir le scorbut. Merci beaucoup Samuel, fort intéressant. J'imagine qu'on ça a lancé une flèche dans le panier des connaissances des gens. Donc sur ce, on va y aller en prestation avec Pascal Picot Larouche et la Rouche Family. Mais pendant ce temps qu'on y va avoir la musique, on va aussi aller sur tous les sens, parce que moi j'aime bien utiliser la radio pour faire goûter des choses. On entend des affaires, on voit des choses, mais aussi on goûte. On peut goûter à la radio. Et j'ai Laurélie, Adélie et Laure qui ont fait une recette de sucre à la crème au sirop d'érable. Et on va goûter à ça et on s'en reparle au retour de la prestation de Pascal Larouche, mesdames et messieurs. Bonne dégustation! Mais... En mangeant le sirop d'érable, je vous invite à chanter avec nous autres. Tombe à bouche sur la rue Saint-Laurent, ton proprio t'a jeté dehors et puis t'as plus de prêts et bourses. Tu vas cogner chez elle en pleurnichant. Maman, je suis dans ma marde. Maman, je suis dans d'une tour atteint l'équilibre quand t'es au point de non-retour qui joint la vie au vide. Qu'est-ce qu'on peut lire dans ton regard livide? Hey, tout le monde de Saint-Fidèle, maman! Sur une petite route de bois et il fait moins 35 quand tout à coup le moteur étouffe et les lumières s'éteignent. À qui tu penses pendant que le froid t'imprègne? Maman! Dans ton dos, la pointe d'un poignard braqué et qu'émerge aussitôt le souvenir d'une dette impayée. Quelle sera ta dernière pensée? Tout le monde ensemble! Maman! Merci Pascal Larouche. Alors, je suis avec Laure et Adélie, puis pendant ce temps-là, on passe encore des petites bouchées de sucre à la crème à l'érable. Alors, Laure, où avez-vous trouvé cette recette? Et peut-être m'en faire un petit descriptif assez rapide, parce que le temps file. Ça allait mieux qu'un micro. On a trouvé la recette sur le site Cuisine et Nutrition. Oui. Ben, je vais laisser Laurélie faire le petit descriptif. Adélie. Donc, la recette prend environ 10 minutes à faire, 10 à 20 minutes. Ça nous fait 36 petits morceaux, dépendamment de quelle grosseur vous voulez couper. Puis pour les ingrédients, c'est vraiment simple. Ça vous prend bien sûr du sirop d'érable, du beurre, de la crème 35%. Nous, on l'a fait avec de la crème 15%, puis ça a bien marché. Et de l'essence de vanille. La recette est assez... mais pas trop compliquée, mais faut faire. D'abord, on amène à ébullition le sirop d'érable avec le beurre, puis on laisse mijoter à feu doux 5 minutes. On ajoute la vanille et la crème, puis on amène de nouveau à ébullition. On laisse mijoter sans remuer jusqu'à ce que la température atteigne 118 degrés Celsius ou 245 thermomètres. Et vous utilisez un thermomètre à bonbon? Oui. Essentiel. Sinon, c'est ça. On laisse tiédir 5 à 8 minutes. On verse la préparation dans le contenant du batteur électrique. On mélange à haute vitesse pendant 10 minutes. On dépose une feuille de papier parchemin dans un moule de 20 cm ou 8 pouces. On verse la préparation dans le moule, puis on réfrigère de 2 à 3 heures. Et là, on coupe en dés et on déguste après ça en bonne compagnie. Alors, Laurélie, j'aimerais ça que tu ailles prendre un peu le pouls, un petit vox pop là, de satisfaction sur ce fameux sucre à crème. Est-ce qu'il est aussi bon que le sucre à crème à votre mère, monsieur? Je me souviens pas, mais il est meilleur que celui de Cora. Donc, je sais Cora. Ouais. Alors, peut-être d'autres personnes... de l'appréciation, il faudra que vous leviez le cher public. Ouais. Il était tout à fait délicieux, il était moelleux, puis avec le sirop d'érable, c'était parfait. Alors, mesdames et messieurs, cette recette-là est disponible sur le fameux site Recettes et Nutrition. Cuisine et Nutrition. Donc, des trucs pour absolument ne pas manquer la recette. En fait, il faut s'assurer d'avoir un thermomètre à bonbons. Oui. Puis le manipuler avec soin, surtout s'il est en verre. Parce que, en terminant, il est arrivé une petite anecdote là, par rapport à ça. Là. Qu'est-ce qui est arrivé à Adélie? J'ai eu un réflexe de le lâcher et il a cassé. Il y en a eu un autre. Et il faut faire très attention pour voir s'il est bien, si on peut bien l'utiliser. Parce que nous, il y a un petit peu mal marché, donc on savait pas quand arrêter le feu. Donc ça a un petit peu mal tourné à la fin, là, mais le résultat est quand même là. Il est très délicieux. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour nous de l'école Saint-Fidèle, l'émission Saint-Fidèle au poste. On les applaudit, les jeunes élèves. Restez des noms, mesdames et messieurs. Plein d'autres émissions spéciales sont en ondes ici même au 89,1 à CKRL pour la Radio-Tour 2018, objectif 42 000 $.